L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Raphaël Cotin, chorégraphe, artiste référent en milieu scolaire pour l'apostrophe, l'occasion pour cette soirée de présentation de saison 2017-2018 de présenter le spectacle que vous allez proposer, présenter dans le cadre de cette saison, qui a pour titre « C'est une légende ». Une création qui sera en fait aussi dans le cadre plus large d'Escaldance en Val d'Oise. Donc une création présentée à l'apostrophe et aussi à l'Antares à Vauréal et sur d'autres dates dans le Val d'Oise. Donc peut-être nous dire deux, trois mots sur votre travail de chorégraphe. Je crois savoir que cette création, vous y travaillez en ce moment, à l'heure où on se parle. La création publique aura lieu à l'occasion du Festival d'Avignon au mois de juillet. Donc, dans quel climat vivez-vous ces moments de présentation ? À l'heure où je vous parle, donc la pièce est pratiquement terminée. Je le disais à la présentation de saison à l'instant. On entame les dernières semaines de travail qui consistent en fait dans des recherches de scénographie et de création de lumière sur cette pièce qui est un duo, donc qui met en scène deux jeunes danseurs, Nicolas Diguet et Antoine Arbeit. L'atmosphère, on va dire, est plutôt sereine puisque je bénéficie de beaucoup de temps de création et que c'est un luxe dans ce métier de pouvoir travailler sur la durée. Et en fait, malgré la pression que représente une première création au Festival d'Avignon, avec toute la visibilité professionnelle et publique qui va avec, je pense que le temps qui m'a été imparti pour créer me permet de regarder les choses avec une relative sérénité. Il est question non pas de faire une rétrospective de la danse dans sa modernité, cependant vous vous êtes attaché à retenir des personnalités, des temps différents si, qui ont marqué la modernité à chaque étape dans la danse. Et vous avez commencé, je crois savoir, par Louis XIV. Avant de vous dire comment j'ai commencé par Louis XIV, je voulais répondre à la question sur cette modernité, sur le lien à l'histoire de la danse. Parce qu'en fait, mon premier objectif était de réfléchir avec cette pièce destinée au jeune public à la présentation de la danse contemporaine telle que je la vis dans mon métier. Et donc, mon métier sur scène, en tant qu'interprète et en tant que chorégraphe, n'est pas d'avoir une rétrospective de l'histoire de la danse avec moi, mais de savoir finalement que dans la modernité de la danse que je traverse, ou en tant qu'interprète ou en tant que chorégraphe, il y a différents ingrédients, et qu'il y a certains de ces ingrédients qui pour moi sont hérités de différentes époques, de différents courants, et qui ont été déclenchés parfois par certaines personnes, ou que ces personnes pouvaient être représentatives d'une révolution ou d'un facteur déclenchant. Et Louis XIV, c'est quelqu'un qui a vraiment bouleversé la représentation théâtrale dans son ensemble, d'abord par les nombreux choix qu'il a faits pour renforcer la visibilité des arts français en France et à l'étranger, et particulièrement dans un point qui m'a amusé de mettre en avant, qui est la création de l'Académie royale de danse. L'Académie royale de danse, qui est donc l'une de ses premières décisions royales en tant que monarque absolu, puisque en 1661, quand il monte sur le trône, il décide de régner seul. Et l'une des premières décisions qu'il prend seul, c'est de créer cette Académie royale de danse. Et donc, comme décision politique, je trouvais que ça interrogeait fortement. Et en fait, de ces décisions-là, en tant que choix politique, en tant que goût pour la danse, on a hérité énormément de choses aujourd'hui, c'est-à-dire la forme spectaculaire professionnelle des spectacles. C'est avec Louis XIV qu'on a développé le professionnalisme des danseurs. C'est aussi avec Louis XIV qui ne l'a pas inventé, mais qui a permis de renforcer la visibilité du théâtre occidental comme on le connaît, c'est-à-dire qui venait d'Italie, on parle de théâtre à l'italienne d'ailleurs, mais avec la scène d'un côté, avec le public de l'autre, la représentation très frontale des spectacles. C'est quand même Louis XIV qui a beaucoup renforcé ce dispositif-là. Et donc, voilà, ça fait des ingrédients qui sont encore très fortement présents dans les spectacles tels qu'ils sont présentés au public aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a la référence à un contexte historique qui explique la modernité de ces chapitres légendés, puisque votre spectacle est construit ainsi. Au-delà des personnalités, il y a d'abord un contexte historique qui explique, qui nous parle de cette modernité, parce que Louis XIV et tout ce qui a été fait autour de l'Académie, comme vous l'avez dit, on a considéré que c'était une modernité de son temps, et on a l'impression que ça reste, que ce temps-là est encore vrai aujourd'hui. Disons qu'il y a des modernités qui sont toujours actives, il y en a d'autres qui sont devenue beaucoup plus intégrée, presque discrète, je pense, au deuxième chapitre de mon spectacle, qui s'articule autour de la personne d'Isadora Duncan. En fait, tout ça est accompagné par une voix off qui vient suggérer aux spectateurs des pistes de lecture, des bribes d'histoire, des anecdotes historiques, des mots-clés parfois. Le discours est assez varié. Et par exemple, quand je pense à Isadora Duncan, j'ai à l'esprit l'anecdote qu'elle raconte elle-même dans son autobiographie, Ma vie, où elle raconte qu'une fois, il y a un compositeur qui a débarqué chez elle sans prévenir. Un compositeur qu'elle connaissait puisqu'elle avait l'intention de créer une danse sur une de ses compositions. Et ce compositeur débarque chez elle à New York et il lui dit « Madame, j'apprends que vous avez l'intention de danser sur une de mes compositions ». Et apparemment, il était fou de rage. Il dit « Non, c'est absolument pas possible, vous pensez bien, c'est pas pensable, ma musique n'est pas une musique de danse, n'est pas une musique de ballet ». Et donc Isadora Duncan lui répond « Écoutez, calmez-vous ». Elle le prie de s'asseoir et elle dit « Je vais danser ». Sur la musique que j'avais prévue pour vous, puis vous me direz si vous m'autorisez ou pas. Et en fait, bah, ça fait tout un foin, cette histoire, de faire simplement créer un petit solo sur une musique préexistante. Aujourd'hui, concevoir tout ou partie d'un spectacle sur des musiques qui existent déjà, c'est vraiment un lieu commun. On n'a pas la possibilité, ou l'envie, ou l'un ou l'autre, d'avoir une musique créée de manière originale pour un spectacle. Donc ce type de choses qui était tout à fait extraordinaire à l'époque est devenu très ordinaire aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison que les personnages que j' ai pris comme point d'articulation, je les ai choisis non pas pour le côté tout le temps extraordinaire de leurs propositions, mais des choses qui restent toujours vraies, et la façon de dire qu'à différentes époques, on peut avoir ou recevoir de quelqu'un un discours artistique, une proposition qui bouleverse un petit peu nos codes de représentation ou nos codes de lecture, et que finalement, quand c'est fait avec force ou avec générosité, ou les deux à la fois parfois, ou avec intelligence, ça dépend, ou avec intuition, eh bien les choses traversent et d'un coup parviennent au public. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'avec ces personnes-là qui m'ont inspiré, c'est le public qui est atteint. Et ma réflexion de chorégraphe était de savoir comment est-ce que, par ce que je reçois moi de ces personnes inspirantes, qu'est-ce que je vais pouvoir en dire au public aujourd'hui ? Les danseurs, c'est un duo, c'est pour eux une manière de traverser le temps. C'est un choix qui repose sur des personnalités qui, pour vous, étaient incontournables de l'histoire de la danse ? Étaient incontournables pour moi. Ça, c'est clair que de toute façon, on ne va pas faire une sélection de 5 personnalités de l'histoire de la danse en prétendant faire un choix exhaustif des 5 moments les plus importants pour l'histoire. En revanche, j'ai le sentiment que les danseurs n'ont pas à traverser l'histoire, mais à traverser différents états. Parce qu'il ne s'agit pas pour Louis XIV de refaire de la danse baroque, il ne s'agit pas pour Isadora Duncan de refaire de la danse libre, ou pour la partie à la fin qui s'intéresse à Pina Bausch, même si ça ressemble davantage à refaire une pièce de Pina Bausch. En revanche, puisque les différents ingrédients qui sont suggérés par ces personnalités, comme la grande abstraction du corps que permet la vision d'Alvin Nicolaïs, par exemple, qui est une autre personne sur laquelle je me suis appuyé, elle demande de passer par des états dynamiques, des états poétiques, corporels, très différents. Et la difficulté peut-être pour les danseurs, le challenge en même temps, c'est de traverser ces différents états, puisque également le format que prend une pièce jeune public, par sa durée relativement courte, demande de passer d'un état à l'autre dans un temps assez bref. Et je pense que là réside la subtilité, peut-être la difficulté de la pièce, ce qui, j'espère, contente les danseurs qui vont le défendre. Dernière question, le spectacle est destiné à tout public, mais en particulier aussi au jeune public. Et dans le dossier de presse, vous dites la chose suivante en ce qui concerne ce public particulier. Voir le spectacle vivant est ou devrait être un pilier de l'éducation. Il construit la curiosité, il interroge l'intuition, déclenche l'enthousiasme ou l'indifférence et sans nul doute invite au voyage. Juste nous expliquer effectivement cette intention que vous avez à destination de ce jeune public. Ce qui m'a motivé dans le fait de destiner ce spectacle au jeune public, c'est d'abord la personnalité centrale que j'ai choisie, dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est Rudolf Laban, qui est un chorégraphe, danseur, théoricien du mouvement du début du XXe siècle, et qui a particulièrement œuvré dans sa vie à la pédagogie et à la recherche dans la danse avec tout le monde. Quelqu'un qui a profité de beaucoup de courants de danse naturelle, on pouvait dire, ou de recherche spirituelle, par exemple avec des stages ouverts à tous à Monte Verita en Suisse. Et des choses aussi qui étaient destinées aux enfants. Il y a eu beaucoup de réflexions de Labanne dans la pratique du mouvement à l'école qu'il a expérimenté dans les années 10 et 20 en Allemagne, puis dans les années 40-50 en Angleterre. Et d'ailleurs, dans les années 40-50 en Angleterre, on voit apparaître pour la première fois des consignes qui ressemblent à ce qu'on peut retrouver dans les textes aujourd'hui, dans ce qu'on appelle « danse à l'école ». Et en fait, ces prémices-là, Labanne a beaucoup œuvré pour ça. Moi-même, étant spécialiste de Rudolf Labanne, c'est quelque chose que j'ai choisi, qui est une des raisons qui m'a inspiré pour dédier ce spectacle au jeune public. Mais j'ai envie de vous répondre que plus encore, j'avais pas envie de restreindre ce spectacle pour un jeune public, d'abord parce que je m'en sentais pas capable au départ, et ensuite parce que, en revanche, mon attention constante au fait que ce sont des jeunes qui vont venir voir ce spectacle, ça m'a demandé de faire des choix en termes de phrasé, en termes de durée, en termes d'alternance, de concentration, des moments où on demande de la concentration, des moments où au contraire on permet de s'évader, des changements dynamiques de lumière, des variations scénographiques. Et en fait, mon attention constante au fait que des jeunes vont venir voir ce spectacle, probablement en a changé la forme ou le déroulé dynamique. Pour éviter l'effet zapping. Pour éviter l'effet zapping, pour éviter l'effet ennui et peut-être provoquer un tantinet de frustration, j'espère, qui pourront donner envie de revenir voir autre chose que ce spectacle aussi. Un grand merci Raphaël Cottin. On est impatients de découvrir ce spectacle. Moi aussi. À l'apostrophe, donc, ça sera l'occasion de le découvrir donc au Théâtre des Arts à Cergy Grand Centre Préfecture du 11 au 15 octobre prochain. Puis d'autres dates sont prévues effectivement, tant sur Cergy-Pontoise que dans d'autres villes du Val-d'Oise. Je pense à Gonesse, à Beson et à Aubonne. Un grand merci à vous.